Chapitre 261. Les situations où il est permis de mentir. Il convient de savoir que le mensonge, qui en principe est interdit, devient permis dans certains cas et selon certaines conditions que j'ai clairement indiquées dans mon livre intitulé « Al-Azkar » et que je résume ici succinctement. Les paroles sont des moyens de parvenir à des fins. Or, chaque fois qu'un but louable peut être atteint sans mentir, le mensonge reste illicite. Inversement, si ce but ne peut être atteint que par un mensonge, celui-ci devient autorisé. Dans ce cas, si l'objectif recherché est une chose permise, alors le mensonge est permis. Et si le but à atteindre est une chose obligatoire, le mensonge devient obligatoire. C'est le cas, par exemple, d'un musulman qui se cache ou cache son argent d'un tyran qui veut le tuer ou se saisir de ses biens. Celui que ce tyran interroge à propos de l'endroit où s'est caché ce musulman doit obligatoirement lui mentir et le lui dissimuler. Même chose si ce tyran cherche à s'emparer d'un dépôt confié à une personne. Le mieux, cependant, dans ce cas, est de lui donner une réponse équivoque, c'est-à-dire vraie du point de vue de celui qui est interrogé, mais fausse du point de vue de la compréhension du tyran. Quoi qu'il en soit, il est tout à fait permis de mentir clairement sans avoir recours à une réponse équivoque. Les savants de l'islam autorisent le mensonge en se basant sur le hadith d'Umm Kulthum, radiyallahu anha, qui rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « N'est pas menteur, celui qui ment pour réconcilier les gens, attribuant aux uns de bonnes paroles sur les autres ou disant du bien des uns et des autres. » Al-Bukhari et Muslim. Dans la version de Muslim, Umm Kulthum ajouta « Je ne l'ai entendu, alayhi salatu wassalam, autoriser le mensonge que dans trois cas. La guerre, la réconciliation entre les gens, et les confidences que l'homme fait à son épouse ou que cette dernière fait à son mari. »